Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit avec Histoire vivante. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Aujourd'hui, rencontre avec Constance Colonna Cesari, réalisatrice du documentaire Urbi et Orbi, la diplomatie du Vatican. Nous retrouvons Constance Colonna Cesari, réalisatrice de ce prochain documentaire d'Histoire vivante, Urbi et Orbi, la diplomatie vaticane. C'est pas seulement la diplomatie vaticane, ce sont aussi les diplomates du Vatican. Il est vrai que vous nous mettez en contact avec quelque chose que l'on peut avoir en tête comme une évidence et en même temps qu'on ne connaît absolument pas, qui est tout à fait dans l'angle mort, à savoir l'intelligence stratégique au service de la paix. Pas seulement au service d'une cause et d'une idée qui serait catholique, mais d'abord, j'allais dire, de servir l'intérêt du monde, l'intérêt de l'homme, l'intérêt de l'humain, bien évidemment. Un mot, peut-être, qui sera relativement court, sachant que ce chapitre apparaît dans votre documentaire, mais on comprend assez rapidement, et d'ailleurs je crois que vous le dites, on peut pas vraiment s'éterniser, c'est la formation. Ces gens-là sont formés de manière très particulière, on peut dire quasiment secrète. Néanmoins, on a une adresse sur cette formation. Qu'est-ce qu'on sait un petit peu quand même de cette formation-là? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas en savoir plus? Alors évidemment, tout le long, il sera question de cette culture du secret. Essayez peut-être d'ailleurs de nous donner quelques informations sur cette culture du secret. Qu'est-ce que c'est que cette pratique-là? Alors, c'est une pratique qui consiste en effet à protéger d'abord les hommes qui vont intervenir sur des terrains dangereux pour tenter de fabriquer la paix. Donc, moins on les connaîtra, moins ils seront étiquetés comme faiseurs de paix, plus ils pourront dialoguer avec des parties en guerre, essayer d'en rapprocher plusieurs, tenter d'organiser des tours de table, puisque c'est toujours ce qu'ils essaient de faire. Donc, cette culture du secret, de la discrétion, elle a pour but de permettre de lancer le plus loin possible des dialogues sans méfiance. Oui, mais on la trouve également autour du confessionnal. Hitchcock en a fait un film extraordinaire, La loi du silence, de mémoire, s'il est juste, où Montgomery Clift joue un prêtre qui est bloqué par un secret alors que c'est un criminel qui vient de lui avouer que, dire ou pas dire, cette culture du secret, elle dépasse seulement la fonction du diplomate, c'est-à-dire qu'on comprend qu'elle soit évidemment pour la protection du diplomate, pour la meilleure fluidité possible. Mais j'ai l'impression, c'est idiot de dire ça, mais à l'évidence, il y a une grande profondeur du secret. C'est une culture. C'est une culture. C'est une culture. Exactement. C'est, ouais. C'est pas une culture de la transparence. C'est une culture c'est aussi. C'est pas une culture des réseaux sociaux. Hein. Non. Même si ça existe et même si ça feint de rattraper le monde actuel, puisqu'on est sur ce temps long, puisqu'on est sur ces archives, puisqu'on est sur cette tradition dans laquelle finalement on empile comme ça des choses en visant, par exemple, la Chine, l'ouverture, la possibilité de dialoguer avec un État qui est presque sur la même ligne temporelle que le Vatican. Et là, encore une fois, moi, ma guerre d'usure de documentariste, c'est un an au Vatican, mais c'est rien pour eux. Eux, ils sont sur une échelle, de siècles. Donc, culture du secret, culture de la modestie aussi, culture, diplomatie du signal faible, diplomatie des petits pas. Il y a toute cette tradition de l'ostpolitik vaticane, donc, agir derrière des rideaux de fer, des rideaux de bambou, essayer de se faufiler, de se faire discret. Il y avait des officines tout au long de la guerre froide au Vatican qui s'appelaient le Rusticum, donc on formait des prêtres pour l'URSS en postulant que ça allait durer encore des siècles, que ça allait pas s'effondrer comme ça. Je pense que l'Église n'a jamais considéré que la victoire allait advenir avec Mikhail Gorbatchev de façon si soudaine. Non, on fabriquait des choses pour les siècles à venir dans une, donc voilà, ça perdure. C'est à l'œuvre aussi quand on, dans cette relation que nous, les journalistes, on a quand on avance dans les bureaux du Vatican, on sent bien, il faut rappeler, on a tout son temps, on rentre dans un univers, dans des bureaux qui ressemblent, on a l'impression d'être dans un monde de l'après-guerre, avec des tableaux comme ça de présence, avec des petits, parfois on a l'impression qu'on est, oui, chez des agents, dans une officine d'agents secrets de l'après-guerre. Quand on est à l'intérieur, à quel moment a-t-on le droit d'avoir la caméra allumée? D'autre part, par exemple, ces bureaux-là, vous pouvez les filmer ou vous pouvez... Alors, vous pouvez vous y balader, mais pouvez-vous... Même ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a les lieux qui sont chapeautés, encore une fois, par la télé du Vatican, qui est la fameuse CITV. La fameuse, voilà, qui est détentrice et de l'image du pape et des lieux, des décors du Vatican, de 44 hectares et donc de ses palais. Donc c'est compliqué, il faut pas la braquer parce qu'autrement ça va être les portes fermées partout. Et en même temps, quand on a des relations avec les chefs de ces bureaux, de ces ministères de la Curie, leurs secrétariats sont des gens... À chaque fois, moi, je suis frappée par le niveau, la qualité de ces gens, quand même, qui sont des gens qui réfléchissent, qui sont des gens qui pensent dans toutes les langues, qui parlent dans toutes les langues, qui lisent sans arrêt. Donc, il y a un niveau, voilà, d'une qualité intellectuelle au Vatican qu'on rencontre nulle part ailleurs. Pour ça, c'est fascinant. Et ces gens-là, on dialogue avec eux. Et évidemment, ensuite, on a des relations individuelles. Donc, on leur dit, moi, je veux filmer ça, je veux filmer ça, je veux filmer ça. Je veux voir, je vous dis, une idée loufoque, mais le moment où on changera la plaque du bureau de la Curie, puisqu'il y a eu une réforme du pape François, et je voulais montrer juste cette petite scène pour qu'on comprenne que le temps passe, que le vieux cardinal Velio, hop, il va partir à la retraite, et que le pape François arrive avec ses nouvelles priorités, sa nouvelle politique, sa nouvelle façon de voir les choses. Et voilà, le fait d'avoir un architecte qui va vous dire le monsieur qui pose la plaque, bon, ça c'est des relations individuelles, c'est presque encore plus compliqué que de pénétrer dans le sacro-saint ministère des Affaires étrangères de l'Église, dans ces fameuses loges Raphaël qui vous entend plus. On me dit souvent, mais comment est-ce qu'on peut être prêtre et diplomate? Non, on est d'abord prêtre. La diplomatie, c'est un moyen dont se sert l'Église. Mais c'est un moyen seulement, c'est pas un but. Voilà, le mot qui me vient à l'esprit quand on parle de la diplomatie et des hommes qui font cette diplomatie, c'est le mot de respect. C'est une diplomatie du signal faible. L'intérêt d'une telle discrétion, c'est que vous pouvez agir entre deux parties, dans un cas de conflit, sans que les partenaires, les parties se sentent agressés et en risque. S'il y a une puissance qui sait pratiquer le secret, c'est bien le Saint-Siège. Et un émissaire discret, même s'il porte un petit col romain dans l'avion, peut être porteur d'éléments de rapprochement beaucoup plus spectaculaires qu'une forte délégation avec force média autour d'elle. La unique colonne à Césari, à l'évidence, faire un documentaire de géopolitique aujourd'hui sur le Vatican est une chose d'autant plus, je mettrai des guillemets dans le qualificatif que je vais utiliser là, acceptable, qu'il y a désormais au Saint-Siège un certain François. Comment définir ce que ce bonhomme-là a réalisé comme transformation, comme métamorphose du Vatican? Je trouve que votre documentaire, je me permets de livrer un avis personnel, permet de mesurer à quel point les métamorphoses ont été profondes. Est-ce que peut-être au travers d'un exemple très concret, vous pourriez nous en donner la mesure? Bah, par exemple, alors je prendrais l'Europe. Parce que ce pape qui se coule dans l'appareil et qui peut pas tout faire et qui considère que, par exemple, pour le Proche-Orient, on reste sur des lignes de classiques de la politique extérieure de l'Église, c'est-à-dire évidemment on défend les chrétiens d'Orient, évidemment on défend pas que les catholiques parmi ces chrétiens d'Orient, évidemment s'il faut se rapprocher de Moscou, on se rapproche de Moscou parce que là c'est de la réelle politique et qu'on peut pas agir à Damas sans passer par Moscou et que d'ailleurs Moscou ça va servir aussi pour Téhéran ou pour Pékin, voyez, donc on est sur le long terme. Là ce sont les diplomates, mais du Vatican, donc la secrétaire d'État, ces gens très performants que sont le cardinal Parolin, Monseigneur Gallagher ou Monseigneur Béchou, que je citais tout à l'heure. Donc, un, le secrétaire d'État, deux, son ministre des Affaires étrangères, et trois, son substitut. Mais certains dossiers, et notamment l'Europe, parce que le pape François est Jorge Mario Bergoglio, un Argentin, que pour lui, l'immigration, c'est quelque chose qui a été un pacte dans son pays. Lui-même est fils de petit-fils d'immigrés italiens par son père, par sa mère. Donc pour lui, l'immigration est quelque chose de naturel. Un pays ou un territoire doit accueillir. Il en veut à l'Union européenne de ne pas accueillir la crise des migrants. Vous savez, il a commencé par Lampedusa. Donc Lampedusa, un voyage en juillet 2013, personne ne connaît ce pape, il vient à peine d'être élu, il choisit d'aller là-bas pour jeter des gerbes donc de fleurs en hommage aux derniers naufragés morts en mer. Ensuite il va au Conseil de l'Europe et il dit « la mer Méditerranée, on ne peut pas tolérer que la mer Méditerranée devienne un grand cimetière », mais il commence cette croisade, si j'ose employer ce mot, 2 ans avant, qu'éclate la crise des migrants dans l'actualité. On est en 2013, donc certains considèrent que c'est une prophétie. C'est sa priorité, de toutes ses priorités. Ça conditionne sa vision de l'Europe, son rapport très critique aux institutions européennes, ses discours qui sont pas tendres. Il la traite quand même, l'Europe, de grand-mère stérile, oublieuse des idéaux de sa jeunesse. Il lui dit qu'elle se considère comme une forteresse assiégée et qu'il faut que l'Europe retrouve sa bonne âme, c'est-à-dire voilà sa générosité, sa solidarité. Donc là, dans sa vision du continent européen et dans sa vision de toutes les crises qui traversent ce continent européen, ben, le pape est d'abord et avant tout un Argentin, un homme formé, voilà, qui a eu un parcours, et Jean-Paul II n'aurait... Il arrive vierge, si vous voulez, aussi, vis-à-vis des institutions européennes, du poids du passé du continent européen, des traumatismes, du nazisme, évidemment, du communisme, alors que tous les papes précédents arrivaient, voilà, avec ce bagage. Donc là, il y a une révolution dans la géopolitique de l'Église. Pour l'Église, un pauvre migrant est une personne humaine. Et une personne humaine a des droits et des devoirs, naturellement, inaliénables. On ne peut pas traiter une personne humaine comme s'il s'agissait d'un colis postal ou bien de bétail. Nouvelle escalade lorsque le pape, au retour de sa visite sur l'île de Lesbos, embarque des familles musulmanes à bord du vol papal. Serait-ce la provocation de trop, s'indigne une partie de l'opinion en Europe? C'est la grande question. Certains demandent, pourquoi nous, catholiques, n'aidons-nous pas les catholiques? Et puis c'est tout. Mais comment fait-on si quelqu'un est en train de mourir de faim? Est-ce important que ce soit un chrétien ou un musulman? C'est une personne humaine, il faut l'aider. Retour à Histoire vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. Prudence sur l'autoroute Genève-Lausanne, on signale des planches en bois entre l'échangeur du Vongeron et Coppet en direction de Lausanne. Dominique Colonna Cesari, vous avez rencontré un grand nombre de protagonistes dans ce documentaire. J'ose dire qu'ils ont en commun d'avoir une intelligence humaine qu'on entend rarement dans des intervenants dans le domaine géopolitique, où presque systématiquement, finalement, on a affaire soit à des personnages froidement cyniques qui tentent de naviguer en eau trouble avec ce pilotage automatique de la réelle politique. On a affaire là notamment à un des gens, et votre caméra nous permet de les découvrir, qui sont sur le terrain, qui sont dans les décombres, qui sont aussi des gens qui font des accolades profondes avec les êtres qui souffrent, qu'ils soient ou non de leur propre chapelle. C'est une géopolitique incarnée et non pas pasteurisée dans on ne sait quelle officine. Est-ce que vous pourriez peut-être, si vous pouviez l'imaginer au travers des documents que vous aviez pu voir, là vous êtes allé sur le terrain et puis vous avez vu des gens au boulot, des hommes évidemment, puisque ce ne sont que des hommes. Mais racontez-nous ce que vous avez, pour le coup, découvert. Quelles ont été vos surprises ? Alors, d'abord, je vous remercie de souligner ça, parce que je trouve que les choses désincarnées n'ont aucun intérêt dans quelque domaine que ce soit. Vous avez quoi remarquer aussi. Voilà. Et je voulais tout sauf faire un dossier technique, montrer la diplomatie vaticane, son fonctionnement, ses terrains d'action, et puis que ça soit froid, que ça laisse les gens indifférents. Pour moi, c'est cette diplomatie vaticane. Alors, je garde ma distance, je suis journaliste, donc j'ai pas envie, je suis pas une zélatrice. Pas au service de Sa Majesté. Absolument pas, et je leur ai jamais, j'allais dire, ciré les chaussures pour leur dire, je vais dire ce que vous voulez, je vais montrer ce qu'il y a de bien. Non, au contraire, je me suis vraiment toujours présentée comme une journaliste. Mais voilà, ce qui avait été intéressant, c'est que qu'ils m'ont laissé travailler suffisamment avec eux pour dépasser voilà le côté technique et pour en arriver à quelque chose voilà qui révélait plus, qui révélait aussi leur rapport humain, tourner suffisamment longtemps, poser une caméra avec un dialogue avant ça, en pouvant rire avec eux, en pouvant, et voilà, moi je cherchais ça et non pas des dossiers, des renseignements techniques, parce que je trouve que c'est plus explicite quand on montre les choses de cette manière. Et des gens comme Monseigneur Golnisch de l'œuvre d'Orient, quand on l'accompagne comme ça sur ce terrain dans le Kurdistan irakien et en Irak, on voit son engagement, on voit bien ce qu'il vient faire, essayer de compter les besoins de ces chrétiens d'Orient chassés de chez eux, et on voit bien qu'il est lui-même viscéralement indigné, révolté par le fait que ces gens sont chassés de chez eux, et que ce sont des régions qu'ils habitaient depuis toujours, et que ce sont des Irakiens, ce sont des Syriens, ce sont des Égyptiens, comme il le dit, ce sont pas des gens qui sont venus de l'extérieur. Donc que ces gens-là aient un droit à rester chez eux, et que des associations comme l'œuvre d'Orient, les aident à revenir, à organiser les conditions de leur retour, dans le même temps que la diplomatie vaticane, au plus haut des États ou des instances internationales, va aider à favoriser leur retour par la signature de conventions, par le fait qu'il faut inscrire la citoyenneté des Irakiens pour tous dans les futures constitutions de ce pays, etc. Donc voilà, c'est des échelles de diplomatie qui s'ajoutent, qui s'additionnent. En fait, voilà, mon documentaire, je crois, c'est aussi montrer que c'est un maillage extrêmement fin, avec des moyens, des officines qui travaillent partout, à des niveaux très très différents. Le nonce qui va dîner le soir avec un chef d'État, mais aussi le petit prêtre qui va recueillir la confession de l'homme de la rue. Et tout ça se rejoint pour créer un réseau d'informations unique au monde qui remonte à Rome, qui fait que Rome est le lieu avec des témoins oculaires informés des choses qui se passent partout dans le monde, mais informés de première main. Partout, on sait tout, et à partir de là, on peut agir. Et ces gens-là, voilà, restent humains. C'est aussi, je parlais de Monseigneur Golnisch, mais je voudrais parler du cardinal Ortega à La Havane, qui a eu un rôle d'agent secret dans le rapprochement. Ouais. Voilà, véritablement, un plan imaginé par le pape. Rapprochement, je fais la fin de votre phrase, entre États-Unis et Cuba, au cas où il y aurait des gens qui auraient, voilà, dont le dossier aurait échappé. Exactement, ça c'était finalement un pacte avec Barack Obama après l'audience pape François Barack Obama en mars 2014. Le pape a convaincu le président américain que c'était le moment, qu'il fallait y aller, que de toute façon, si on n'y allait pas maintenant, la politique américaine finissait par subir ce qu'elle voulait infliger à Cuba et que c'était préjudiciable pour elle, pour toute son action dans l'Amérique, en Amérique du Sud. Donc Barack Obama, finalement, a accompagné, a choisi de s'engager, convaincu par les propos du pape François. Et comme nous le révèle le cardinal Ortega, que j'ai interviewé donc longuement à la Havane, ce qui a marché sur ce terrain, et c'est là que c'est formidable, c'est le charme du pape François, c'est le charme personnel du pape François. Il le dit, ils étaient enchantés. Il me l'a répété 40 fois dans l'interview, encantado. Et en fait, le monde découvre le 17 décembre 2014 que Cuba et les États-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques, en tout cas s'engagent dans le processus. Et le choix de cette date, c'est l'anniversaire du pape François, pour faire plaisir au pape François. Et ça, voilà, c'est le cardinal Ortega qui a eu une partition secrète dans la mise en œuvre de cette médiation, qui le révèle, qui le dit, oui, voilà, une date comme ça de fin de la guerre froide choisie pour faire plaisir au pape. Et cette image surréaliste de Raúl Castro, frère de celui qu'on connaît, qui remercie en personne à la télévision le pape, rappelons quand même à ceux qui auraient loupé les résumés précédents que le régime castriste est plutôt proche des idées communistes et donc plutôt, a priori, pourrait être vis-à-vis de la religion, avoir quelques distances critiques. Là, il y a l'affirmation réelle d'un remerciement humain vers celui qui est le chef de l'Église catholique. C'est une image complètement folle, quoi. Voilà. Et en plus, elle a alors plusieurs niveaux d'enseignement, parce que d'une part, on apprend en temps réel qu'il y a eu une médiation du Vatican. Oui. C'est rare. D'habitude, on le sait longtemps après, la médiation sur le canal de Beagle entre le Chili et l'Argentine, la médiation actuelle sur le Venezuela, qui est très importante, mais qui n'a pas encore donné de grands résultats, mais qui agit chaque jour. Il y en a toujours des médiations. Il y en a eu pour le rapprochement aussi avec les FARC et le gouvernement en Colombie. Ça aussi, le Vatican a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Mais là, donc, premier enseignement dans cette phrase de Raúl Castro qui remercie le pape. On sait que le pape a agi. On ne sait pas encore comment, mais on sait qu'il a agi. Et deuxièmement, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ce régime castriste, il a jamais rompu ses relations diplomatiques avec le Vatican. Jamais. Alors, il y a eu des moments très durs dans les années 60, où le cardinal Ortega, qui est à l'œuvre aujourd'hui, déjà, voilà, était quand même jeté des cailloux dans des camps de travail. Ça a duré 2 ans. Donc les années 60, c'était le renvoi des jésuites sur des bateaux, etc. C'était des relations très dures pour l'Église locale. Et puis progressivement, ça s'est amélioré. Donc c'est toujours les relations diplomatiques du Vatican. Elles sont toujours à trois dimensions. Il y a les deux États et puis il y a l'Église locale. Et évidemment, l'Église locale, elle a bénéficié, elle a pris du poids quand Jean-Paul II avait... C'est l'articulation. Voilà. C'est l'articulation. Voilà. Et donc là, à l'issue de cette médiation réussie grâce au rôle particulier du cardinal Ortega, qui est un ministre du pape, qui est fait cardinal, c'est pas un hasard, parce que les nonces sont les vrais diplomates au Vatican, les nonces apostoliques, ceux dont je parle, etc. Mais les cardinaux du pape, ces membres du sacré collège des cardinaux sont des ministres directs. Et là, en l'occurrence, le pape François, il n'a pas pris le nonce, il a pris son ministre direct à la Havane. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon film, j'ai voulu qu'il commence avec cette cérémonie d'un consistoire où le pape choisit ses nouveaux cardinaux qui ne sont jamais des hommes choisis au hasard et dont on se rend compte en regardant ce que peut faire un cardinal du pape, en l'occurrence le cardinal Ortega de la Havane, ben, ce qu'ils peuvent fabriquer sur le terrain. C'est encore une fois une main du pape dans un pays. Nous voudrions en toute manière manifester notre que nous sommes proches aux Syriens dans ce moment de grande souffrance. Le choix d'élever au rang de cardinal Mgr Zenari, le nonce à Damas, est destiné à renforcer le poids de l'Église dans la recherche de solutions politiques pour en finir avec ce conflit. Le cardinal Zenari, qui est là depuis 7 ans et qui connaît extrêmement bien la situation et qui est le seul ambassadeur, pratiquement un des rares ambassadeurs à Damas, de l'intérieur peut guider les initiatives que l'Église doit prendre au niveau international pour en finir avec la guerre. Dominique Colonna Cesari, on vient d'entendre un nouvel extrait de votre documentaire « Urbi et Orbi ». On peut imaginer, tout au moins c'est la réflexion que je me suis faite en regardant votre documentaire, que vous auriez pu faire un pavé en un grand nombre de tomes. Autrement dit, on sort de ces 50 minutes et on est frustré en disant « Ah bah oui, mais là, on n'a fait que passer, on aurait pu rester plus longtemps ». On devine, enfin j'ai deviné, mais peut-être me suis-je trompé, que vous avez dû faire des choix cruels, donc choisir de faire une présentation en éventail, quitte à ne pas rester très longtemps sur tel et tel et tel dossier, mais répondez sincèrement, vous êtes au confessionnal, aviez-vous une intention plus ample, plus large, qu'on vous a fait réduire, on vous a réduit la voilure en route ou Écoutez, oui, bien sûr. De toute façon, choix cruel. Vous aviez rêvé 10 heures d'antenne, voilà, peut-être 55 minutes pour raconter l'action de l'Église dans le monde sous le pape François. C'est cruel. Oui. C'est cruel. Puis, surtout, il ne faut pas être scolaire, donc on ne va pas enchaîner les terrains comme ça successivement en disant on fait ça ici, comme ça, on fait ça ici, de cette manière. Donc, il fallait que ça soit fluide. Évidemment, on ne peut pas s'attarder. Il y a plein de sujets. Ce que fait l'Église actuellement en Chine, voilà, ça mériterait 52 minutes en soi. Okay. Voilà, c'est en effet bien frustrant par moments. Mais je pense qu'on lève quand même des coins de rideau. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé cette trame chronologique. Le film est une forme de chronique. C'est un an de tournage. Et bizarrement, le choix de ces événements que j'ai retenu moi pour y faire pour m'y faire accepter est assez pertinent, parce qu'on voit bien tout ce qui se passe pendant un an. Évidemment, c'est pas tout, mais tout ce qui m'a intéressé et tout ce à quoi j'ai pu m'associer, ben finalement ça crée un plan qui est très intéressant par le plus grand des hasards. Donc un jour on va commémorer une médiation qui a réussi, un autre jour c'est les 60 ans du traité de Rome, évidemment en présence du pape, après c'est Pâques, la veillée de Pâques, et le terrorisme qui nous entraîne jusqu'en Égypte, ou comme je vous le disais pour commencer, un consistoire, ou alors, ça c'est le moment un peu glamour du film, cette audience de Trump au Vatican qui est vraiment teasé par les journalistes américains parce que c'est l'événement le plus attendu de la période. Comment est-ce que ces deux hommes que tout oppose vont pouvoir trouver quelques terrains d'entente et vont pouvoir revenir un peu atténuer, adoucir ce dialogue très rude qui s'est imposé quand le pape a dit à bord de l'avion qui le ramenait du Mexique que Trump n'était pas un bon chrétien puisqu'il ne pensait qu'à construire des murs. Ça commençait mal. Rappelez-en le titre, s'il vous plaît. Alors, Urbi et Orbi, la diplomatie du Vatican. Merci d'être venu au micro d'Histoire vivante. Merci. Thank you.